Premier jour de vie à bord. J'ai réussi à dormir, pas trop mal, malgré tous les nouveaux bruits qui m'entourent. J'ai une petite cabine avec un lit superposé, on a un petit lavabo et pas mal de petits placards pour ranger toutes nos affaires. C'est bien aménagé, c'est cosy, on s'y sent bien.